Wow, ça c'est les acclamations pour un homme. Et nous voulons acclamer Jésus, levons-nous ensemble et acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Wow. Que tous ensemble nous puissions nous lever pour acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Nous te célébrons, Jésus. Merci, merci d'avoir défini nos vies et de nous avoir introduits dans ton royaume. Veuillez vous rasseoir. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous voulons dire merci à l'évêque de, non pas seulement de l'âge de l'Alliance, il est l'évêque de la communauté maintenant, vu les responsabilités qu'il a au sein de notre communauté. Lorsque des fils deviennent de responsables, c'est-à-dire un parent qui a un fils président, c'est une joie, n'est-ce pas ça? Il est le président régional des assemblées de Dieu Nord-Kivu, et c'est pour nous une très grande joie pour l'apprendre. On ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça. Oui, nous-mêmes nous fîmes et nous avons laissé le manteau aux autres parce que c'était un problème de mandat, mais le ministère n'a pas de mandat. Amen. Gloire à Dieu, vous avez des salutations de ma chère épouse, maman Rachel, vous salue. J'ai toujours sa photo avec moi là, je ne vais pas vous montrer ça, parce que c'est pour moi-même, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de visages qui intimident. Et lorsque votre visage essaie de m'intimider, je regarde, je dis sans effet. Parce qu'elle est la seule qui non pas seulement intimide, mais me fait du bien dans le cœur. Amen. Elle n'est pas seulement une belle femme, elle est une bonne femme. J'ai dit qu'elle est pasteur plus que moi. Elle est pasteur parce que lorsqu'il y a des choses qui se font aujourd'hui, avec l'âge de l'Alliance de par le monde, et c'est avec son appui. Et si vous avez une femme qui vous trouble, moi je crois que vous serez un médecin qui va tuer les gens. Mais je crois que je ne serai pas troublé ce matin, je suis dans la paix et nous allons recevoir la paix du Seigneur. Elle vous salue et au travers d'elle, nous avons quatre, ils ne sont pas enfants, ils sont devenus des adultes, l'autre vient de terminer, vous y êtes ça, et l'autre est en train de faire la médecine. Et Lynn est en train de faire génie civil, c'est une dame, elle a beaucoup d'ambition, un peu plus. Elle fait la génie civil, développement et énergie renouvelable dans un pays d'Afrique. Et il y a aussi la cadette qui vient de présenter l'examen d'État. Vous avez des salutations de l'âge de l'Alliance. Amen. Tout à l'heure, là, nous venions de l'extérieur, nos frères et sœurs de l'âge de l'Alliance qui sont partout, ils sont en Australie, à Melbourne. Lorsque vous voyagez à Melbourne, vous trouvez l'âge de l'Alliance. À Perth, vous trouvez l'âge de l'Alliance là-bas. Et lorsque vous allez en Inde, à New Delhi, il suffit seulement de demander au pasteur Easton, il va vous dire, vous êtes là aussi, l'âge de l'Alliance. L'âge de l'Alliance, vous êtes en France, amen, à Paris, et vous êtes en Hollande, à Amsterdam, à Rotterdam. Et vous êtes aussi en Amérique aujourd'hui, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Le tournant décisif, oui, quel est le thème? Tout ce qu'il fait lui réussit, voilà. Tout ce qu'il fait lui réussit, bien entendu, mais ces choses réussissent comment? Parce qu'il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Tout ce qui fait lui réussir, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Et nous avons appris tout au long de ce mois, 40 jours, au-delà du mois, que le Seigneur lui-même veut voir. Vous savez que Dieu n'est pas venu établir la religion, mais il est venu établir le royaume. C'est le royaume de Dieu qui veut établir. Et lorsque le Seigneur est venu, il a dit, « Oui, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Il n'a pas dit « La religion est proche. » Et souvent, nous ne voulons pas entrer dans la religion, mais nous sommes dans le royaume. Lorsqu'il nous sauve, il nous délivre du royaume des ténèbres et nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé, là où nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Il fait de nous des fils et des filles et non pas des esclaves. Et dans cela, il y a en nous bien des choses que nous devons accomplir sur cette terre dans le domaine spirituel, dans le domaine social, dans le domaine relationnel et dans le domaine économique et financier. Le Seigneur veut voir ses enfants manifester sa personne, sa vie sur la terre. C'est ce que nous avons vu et vous avez vu aussi tous ensemble, frères et sœurs, ce n'est pas seulement vous. Avant que le pasteur n'apporte ce qu'il a apporté, d'abord il a reçu. Il est dit, on reçoit dans le cœur et on apporte aux autres. Et cette semence-là, c'est une semence incorruptible. La semence de la parole de Dieu est incorruptible. Et cette semence peut être tuée dans nos vies si nous ne marchons pas selon les principes qu'on nous a enseignés. Comme la Bible nous dit que cette personne qui a semé la semence, il a jeté la semence et cette semence est tombée sur des pierres. Les pierres, et ça n'a pas pris de racines et ça a séché en contact avec le soleil. Cette semence peut être aussi tombée parmi les épines. Les épines, les soucis de semence et les pressions de cette vie peuvent faire en sorte que nous soyons sèche et que cela étouffe ce que nous avons reçu. Ça peut tomber même sur la rue. Les autres peuvent piétiner. Mais il faut que cette semence tombe dans la bonne terre. La bonne terre de nos âmes et que cette semence porte beaucoup de fruits qui peut bénir les autres. Amen. La Bible nous dit que lorsque la semence qui est semée en terre ne meurt, elle reste seule. Et nous avons appris aussi qu'en tant que nation, la Bible nous dit, si cette nation, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai sa nation. La nation peut être guérie à cause du peuple de Dieu. Le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Et qui est ce peuple-là? Ce n'est pas la création de Dieu, les créatures de Dieu que nous voyons, mais ce peuple de Dieu, en commençant d'abord par Israël et deuxièmement par nous en tant qu'Église. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, que nous lisons, que les dominations, les principautés, les pouvoirs connaîtront par l'Église la sagesse de Dieu dans sa diversité. La diversité de la sagesse, c'est les connaissances acquises ou innées que nous avons peut nous aider à manifester Dieu. Et la sagesse, c'est cette connaissance que nous recevons ici intelligemment appliquée. Nous avons appris aussi que nous sommes des enfants qui occupent une position. Là où est Christ, il est dit que là où il est, c'est là où est son serviteur. Lui est assis à la droite de Dieu, au-dessus des dominations, des autorités, des pouvoirs. Mais il a dit aussi dans la parole de Dieu dans Colossiens, « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, pensez aux choses d'en haut. Là où vous êtes assis, là où vous êtes avec lui. Et lorsque lui-même apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. » Amen. Et ça, c'est l'autorité que nous avons en Christ. L'autorité, c'est le pouvoir délégué. L'autorité, c'est un pouvoir délégué. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, au ciel, sur la terre et sous la terre. Le pouvoir, c'est lui. Et il délègue l'autorité. À qui? À ceux-là qui n'ont pas la force, à ceux-là qui n'ont pas la puissance. Mais nous nous présentons seulement en son nom. En son nom, et les démons obéissent. Non pas à nous, mais à lui. Et nous avons appris ce matin aussi au premier service que nous devons avoir la conscience. La conscience de quoi? Qui était là? De ce que des acquis que nous avons reçus. Nous pouvons les perdre. Vous savez ça? Il y a un combat offensif, un combat défensif. Nous défendons les acquis, comment? En gardant la parole de Dieu. Amen. Et comment nous devons les combattre? Comment nous devons garder ces acquis? Pour un sous-thème que nous voulons partager avec nous tout à l'heure là, c'est ceci. Dans Éphésiens 3, le verset 4 jusqu'au verset 14 jusqu'au verset 21. Et nous allons nous donner un titre pour ceux-là qui cherchent un titre. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Dans certaines versions, il est dit, duquel tire comme des modèles toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est la version de ses mères. Afin qu'il vous donne, lisez avec moi le verset 16 ensemble, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Où c'est? Waouh! D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensant. Lui fait toujours au-delà de ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Le peuple de Dieu dit amen. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons dire que ce n'est pas des informations théologiques. Mais cette parole, c'est toi, la vie, la parole vivante qui a été incarnée, qui a été faite chair, qui s'est manifestée dans ce monde et qui a créé toutes choses. Cette parole inspirée par l'Esprit de Dieu, utile pour corriger, pour changer, pour transformer. Fais-le dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous voulons parler au verset 16e. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et le deuxième texte, c'est le texte qui se trouve dans les livres de Zacharie. Zacharie au chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Alors il reprit et me dit, chapitre 4, verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. C'est cette sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite des chandeliers et à sa gauche? Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul dans les textes d'Éphésiens, le chapitre, dans tous les chapitres d'Éphésiens, il y en a 6. Vous pouvez résumer ceci, vous pouvez écrire. Le chapitre 1er jusqu'au chapitre 2e, il nous parle de notre position, de notre identité en Christ. Chapitre 1er, chapitre 2. Le chapitre 3 et le chapitre 4e nous parlent et 5 nous parle de la marche. Comment nous devons marcher, comment nous devons vivre selon notre position sur la terre. Et le chapitre 6e nous parle comment nous pouvons tenir ferme. Comment nous pouvons garder notre position sur cette terre. Ça passait là? Je disais le chapitre 1er, 2e, nous parle de notre position, de notre identité, de ce que nous sommes. De 3 jusqu'à 5, nous parle de la marche. Et le chapitre 6, il nous parle de tenir ferme. C'est pourquoi il y a 3 verbes. Être assis, marcher et tenir ferme. Et dans ces textes, c'est une autre prière de Paul. La première prière, c'est ce que nous avons vu avec sa servante dans Éphésiens chapitre 1er. C'est qu'il a parlé que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin qu'il nous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Mais ici, c'est la deuxième prière, après avoir parlé du mystère qui était caché devant tous les hommes. Il dit ceci, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. » Famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Est-ce qu'il y a une famille dans les cieux? Oui. Il y avait une famille dans les cieux qui était le modèle de la famille sur la terre. Dieu a une famille. Et sa famille, c'était qui? Dieu est là. Et lorsque nous vérifions quoi qu'il n'y a pas le mot Trinité dans la parole de Dieu, vous allez le voir, mais c'est vérifiable que nous avons un Père qui est là, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit, tous sont un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais comment c'est Dieu qui est un et qui peut se manifester en 3? Non pas une puissance, mais c'est Dieu qui se manifeste et qui a voulu comme ça lui-même. Moi, je n'ai pas l'intelligence d'expliquer cela. Vous savez, c'est chercher à expliquer l'inexplicable. Lorsque vous cherchez à expliquer ces choses-là, vous allez tomber des fois. C'est comme si vous donniez à un palmier La bouche, pour expliquer l'homme, il va dire que l'homme a de rameaux. Il a aussi des noix de palme. Mais moi, je ne saurais pas le faire. Amen. Et cela se manifeste en vous-même, ce que Dieu a fait. Comment Dieu peut dire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, être n'est pas au pluriel, l'être est au singulier, tout votre être, esprit, âme et corps. Comment Dieu peut dire ça? Ça dit, je suis là, mais je suis trois. Amen. Hello. Je suis trois. Esprit, âme et corps. Mais qui peut comprendre ça? Où est SMB, comme ma bien-aimée sœur a demandé hier? Où est SMB? Est-ce que c'est celui qui parle? Non, ce n'est pas celui qui parle. Ce n'est pas celui qui parle. C'est celui qui est à l'intérieur. Et le Seigneur a fait une ouverture, la bouche, pour qu'il puisse s'exprimer. Et qui a fait les yeux pour qu'il puisse voir l'environnement. Qui a fait les oreilles pour que je puisse entendre ce qui se passe autour de moi. Et qui a fait les pieds pour que je marche. Voilà ces dieux-là. Ces dieux-là a voulu une famille. Et il a dit lui-même que toute famille dans les cieux et sur la terre tire leur nom. Et nous avons appris que le nom manifeste le caractère. Le nom manifeste l'origine. Le nom manifeste la source d'où nous venons. C'est ce nom-là. Tire le nom de qui? Toute famille dans les cieux et la terre tire le nom de Dieu. Et ce nom-là, c'est quel nom? Dieu a voulu une famille un jour. Il a créé, je ne vais pas entrer dans cela, mais cela est la base de ce que nous allons partager avec vous. De tout ce que nous avons fait dans ce tournant décisif, si nous ne comprenons pas d'où nous venons, nous allons faire ces choses comme à l'humanisme séculier. Nous allons faire ces choses comme le New Age le font. Vous savez, aujourd'hui, il y a des êtres humains qui disent que l'homme est Dieu. Comment tu es Dieu? Parce que j'ai de l'énergie, parce que je mange les herbes, c'est pourquoi je suis Dieu. Non, tu n'es pas Dieu à cause des herbes. Tu n'es pas Dieu à cause de l'énergie que vous recevez. Mais tu es Dieu à cause de Dieu qui a fait de vous homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Il y a les autres qui s'appellent des dieux. Il y a eu des rois, il y a eu des empereurs qui se sont appelés dieux dans ce monde. Mais ils ont disparu. Mais Dieu reste le même. Il est toujours le même. Amen. Amen. Dans les cieux et sur la terre, Dieu avait une famille. Il a pensé qu'il voulait élargir sa famille et il va penser lui-même, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça, c'est créé. Dis-moi, s'il vous plaît, ces bâtiments, ces sanctuaires où nous sommes étaient d'abord une idée. Amen. Et puis après, ils ont mis cette idée comme un concept, ils ont fait le plan et finalement, les maçons et tous ceux qui pouvaient travailler ici comme ceux qui sont de la construction métallique, ils ont intervenu et nous voyons la construction où nous sommes aujourd'hui. Il a créé, voilà ce que Dieu fait, il a créé ici. Il a pensé l'homme, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu est qui? Dans Jean 4, 24, Dieu est qui? Il est esprit. Dieu est esprit, vérifiez ça. Dieu est qui? Il est esprit. Et quand il pensait cela, il pensait dans la dimension de l'esprit. faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce n'est pas la corporité, mais dans la dimension de l'esprit, Dieu pensait l'homme quel qu'il serait. Dans le psaume 94, il est dit, celui qui a fait les yeux ne voit-il pas? Celui qui a fait la bouche ne parle-t-il pas? Celui qui a fait le pied ne marche-t-il pas? Il a dit, les idoles que vous fabriquez, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Des oreilles, ils n'entendent pas. La bouche, ils ne parlent pas. Ils ne sont pas comme moi, l'Éternel. Dieu a créé. Et juste après avoir créé cet homme, comment il sera à son image, il va venir ici. Et il va former. Il y a une différence entre créer et quoi? Et quand il forme de quoi? De la poussière de la terre. Dans la poussière de la terre, il tire l'homme, il le forme, il le façonne. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend son souffle à lui. Et il souffle dans l'homme. Pouf! Et quand il a mis son souffle dans les narines de l'homme, cet homme est devenu une âme vivante. Cette âme vivante où aujourd'hui vous avez les veines, les nerfs, le cœur, les reins proviennent de ces souffles seulement. Dieu a créé et il est venu ici pour façonner l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand il crée cet homme-là, Dieu voulait se multiplier. Dieu voulait élargir sa famille sur la terre. Que l'invisible devienne visible. Que ce qui ne se voit pas se voie. Que celui qui est transcendant se manifeste sur la terre. Ça, c'était le désir de Dieu. Il a fait un homme, il va faire de lui une femme. Et cette femme-là, comme nous avons appris ce matin, que parmi la création de Dieu, il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé l'aide semblable à lui. La vache, girafe, et tout ce que nous pouvons voir dans nos parcs ne pouvait pas être à l'image de Dieu. Et l'homme était là, Dieu l'a fait tomber dans ses profonds sommeils. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire sortir une création. Ma question est la suivante. Il n'est pas dit que Dieu a mis un autre souffle dans la femme. Wow. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu n'a pas mis un autre souffle. Le même souffle qu'il avait mis dans l'homme, le même souffle, il a créé seulement la femme. Il a formé seulement la femme. Il a fait sortir de l'homme. Et quand il a fait sortir de l'homme, la femme avait tout ce qui était dans l'homme qui manifeste Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'en les créant, il les a tous créés hommes. Et quand il les a créés hommes, Dieu voulait, il les a bénis. Dis avec moi, il les a bénis. Dis avec moi, il les a bénis. C'est que Dieu n'a pas maudit, il les a bénis, mais il a dit, soyez féconds, multipliez. Ça, c'est l'homme sur la terre, selon le modèle de Dieu. Même quand il a construit le tabernacle, il a dit à Moïse, vous ferez le tabernacle d'après le modèle. Frères et sœurs, notre modèle à nous, même s'il y a clonage aujourd'hui, même s'il y a des bébés éprouvettes aujourd'hui, même s'il y a insémination aujourd'hui, ils ne prennent pas quelque chose d'ailleurs, ils prennent ici ce que Dieu a créé pour ramener encore une autre vie. Ce n'est pas la vie qu'il crée. Il ne crée pas. Créer, c'est bara, c'est faire sortir quelque chose d'inéant. C'est le seul qui a créé, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et quand il a créé cet homme sur la terre, Dieu voulait que l'homme soit l'expression de lui-même sur la terre. C'est pourquoi, comme il est esprit, dans le livre de Job, Job 32, verset 6e, jusqu'au verset 9e, il est dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dites à quelqu'un, en réalité, en vous, frère, c'est l'esprit. Il a dit que c'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. En réalité, c'est l'Esprit. C'est pourquoi je vous posais la question. Où est Israël Nsembe? Est-ce que c'est celui qui vous parle? Non, non, vous ne le voyez pas. Mais vous le voyez seulement, vous l'entendez. Mais vous pouvez me toucher. Mais parce que je suis cher. Mais comme je suis cher, je ne suis pas cher seulement. Je suis dans la dimension de l'Esprit. Amen. Il dit aussi dans Job 33, 4, il dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Le mot « souffle » veut dire « roua ». Roua, ce n'est pas l'oxygène. On peut vous amener à l'hôpital, vous placez l'oxygène, et lorsque Dieu reprend seulement, lorsqu'il reprend son souffle, l'oxygène ne fonctionnera jamais dans votre corps. Parce que Dieu a pris son souffle. Il a pris ce qui est vie, ce qui est vital. Il a repris ça. C'est pourquoi il dit ceci, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Nous sommes fortifiés par l'esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous êtes fortifié intérieurement par quoi? Vous n'êtes pas fortifié intérieurement par le pain, ni par ce que nous mangeons. Nous sommes fortifiés spirituellement par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Amen. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Lisez avec moi et notre texte, s'il vous plaît, pour que nous puissions vérifier. Des Corinthiens, le chapitre 4, verset 16, jusqu'au verset 18. Voilà la différence qui existe. Dans les tournants décisifs, nous avons besoin de continuer à être fortifiés dans l'homme intérieur. Sinon, avec les sollicitations de notre homme extérieur que nous allons vérifier tout à l'heure, nous pourrons aussi permettre à ce que notre être intérieur ne fonctionne pas et ne vive pas longtemps. Et vous allez voir comme si Dieu a menti. Oh non, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons fait ceci. Non, non, j'ai mortifié mon corps, qu'est-ce que j'ai vu? Non, non, parce que vous n'avez pas perçu votre vraie identité, votre vraie position. Le verset 16e nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous pouvons perdre courage. Et lors même que notre homme extérieur, soulignez l'homme extérieur, vous avez vu? Quand il y a l'homme intérieur, c'est qu'il y a l'homme extérieur. Lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour. Waouh! Dis avec moi, se renouvelle. L'homme extérieur se détruit. Peut se détruire par l'âge. Peut être détruit par la maladie. C'est pourquoi, frère, ne vous confiez pas seulement à l'extérieur. Oui, nous pouvons bien arranger cet homme extérieur. Non pas pour que nous nous soyons vus, mais pour que Dieu soit vu. Non pas pour que nous soyons... Vous savez, il y a le paraître et l'être. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à paraître sans être. Mais vous ne pouvez pas être sans paraître. Mais vous pouvez paraître sans être. Hello? Est-ce que ça passe? Vous pouvez paraître sans être. Mais vous ne pouvez pas être sans paraître. Parce que ce que vous êtes se manifestera à l'extérieur. Mais ce que vous êtes à l'extérieur ne peut rien influencer ce que vous êtes à l'intérieur. Rien. C'est pourquoi la religion est cet homme extérieur où nous voyons les tenues, les habits, la marche, Boboto, Bondeko. Il ne peut même pas, il marche, il ne peut pas écraser même pas une fruit, hein, une fourmi qui est sous la terre. La marche ne changera rien à votre être intérieur. Mais c'est votre marche dans l'homme intérieur qui peut changer tout. Alléluia. Alléluia. L'homme extérieur et l'homme intérieur doit se renouveler de jour au jour. Quoique celui-ci s'est détruit, quand Job a dit un jour, alors qu'il était consumé dans son corps, malade, il a perdu tout ce qu'il avait. Et sa femme est venue auprès de lui, Job, pourquoi demeures-tu toujours dans ton intégrité? Maudit Dieu, meurs. Job a dit, pourquoi dois-je maudire Dieu? Est-ce que je dois aimer Dieu seulement lorsque tout marche bien? Et lorsque tout ne marche pas, je dois maudire mon Dieu? Vous savez, le mot maudire, c'est quoi? Je vous explique un peu. Maudire et bénir. Maudire quelqu'un, c'est quoi? Maudire quelqu'un, c'est de lui ôter les moyens, les possibilités qui lui permettent d'accomplir les desseins de Dieu, le but que Dieu lui a créé sur la terre. C'est maudire quelqu'un. Ce n'est pas seulement il vous maudit par les paroles. Non. Maudire, c'est dépouiller quelqu'un. Lui ôter les possibilités, les moyens qui lui permettent d'accomplir le dessein de Dieu. Et bénir quelqu'un, c'est de lui donner les moyens, les possibilités qui lui permettent d'accomplir le but de Dieu sur la terre. Ça, c'est maudire, ça, c'est bénir. Il a dit, maudit Dieu. Job a dit, je ne peux pas. Et il va dire lui-même, je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera toujours les derniers. Même si je n'aurai pas ce corps, je verrai Dieu. Alléluia. Je verrai qui? Je verrai Dieu. Avec quel corps? Avec quel homme? Non pas avec l'homme extérieur qui s'est détruit, mais avec l'homme intérieur qui se renouvelle jour après jour. Le corps peut être consommé. Le corps peut être consumé par la maladie ou bien par quoi que ce soit. Frères et sœurs, mais que notre homme intérieur se renouvelle. Les tournants décisifs, comme nous avons décisifs, comme nous venons d'écouter ici, ne se limitent pas seulement au nombre de jours. Si ça se limite au nombre de 40 jours, les autres font 40 jours. Nous avons appris ce matin que Moïse a fait 40 jours et lorsqu'il a trouvé qu'il y avait une situation parmi le peuple qu'il conduisait, Dieu qui lui a dit de ramener ce peuple, Dieu va lui dire, regarde ton peuple que tu as fait sortir. C'est pourquoi même ici dans l'église, ne pensez pas d'abord que hein, l'église, oui c'est l'église de Dieu, mais il faut qu'il y ait un homme. Comment Dieu va dire à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte? Écoutez ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est Moïse qui avait osé? Il a osé, il a échoué plusieurs fois. Mais avec Dieu, il a réussi de les faire sortir. Mais ce même Moïse-là, la Bible nous dit qu'il va détruire ces tables qui étaient à cause de quoi? De l'homme extérieur. Amen. Amen. L'homme extérieur qui est là. L'homme extérieur, nous le trouvons. Il est dit qu'il s'est détruit. L'homme extérieur s'est détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Job a dit, je verrai Dieu, car nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont comment? Des Corinthiens, toujours, 4 verset 18. Car, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est l'invisible qui appelle le visible. Le visible n'appellera jamais l'invisible. Tout ce que nous voyons provient de l'invisible. Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Il a appelé à l'existence. Mais ce qui existe ne peut pas appeler ce qui n'est pas à l'existence. C'est Dieu seul qui en est capable de le faire. Nous traversons au chapitre 5. Il dit, nous savons en effet que si cette tente, regardez notre nom, qu'on donne à l'homme extérieur, la tente. OK? Où est votre tente? Montrez-moi la tente. Où est la tente? Montrez-moi votre tente. Voilà, vous touchez votre tente. Ça, c'est la tente. Et si vous êtes la tente, c'est lui que vous touchez là. Mais celui que vous ne pouvez pas toucher, c'est celui-là, l'homme intérieur. Qui peut faire que notre tournant décisif se manifeste et dans tout Goma, dans tout le Nord Kivu, pourquoi pas dans tout le Congo et en Afrique, qu'on voit Dieu. Parce que je vis là, quelque part, hein, là-bas, je vis qu'à partir d'un point là, à Goma, il y a des flèches, il y a des lignes qui vont de par le monde. Comment vous pouvez atteindre ce monde-là par l'homme extérieur? Vous ne le pouvez pas. Amen. C'est l'homme intérieur qui peut accomplir ces choses. Il dit, cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Amen. Voilà comment les noms. Il appelle la tente, l'homme extérieur, et dans Éphésiens, là où nous avons dit, il nous dit que nous soyons fortifiés par son esprit. Quel est le rôle de l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui nous place, qui vient nous placer, qui nous met en communion avec Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Ce qui nous met avec l'esprit de Dieu, en communion avec Dieu, ce n'est pas autre chose, frères et sœurs. Ce n'est pas notre intellect, parce que nous trouvons dans Éphésiens, 1 Thessaloniciens plutôt, le chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est celui qui le fera. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Nous cherchons la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement la consécration de nous mettre à part, mais la sanctification, c'est une vie qui est sainte, mener une vie qui glorifie Dieu, loin du péché, loin de toute forme de la duplicité, des mensonges, de toutes choses, de toutes ces formes. C'est Dieu lui-même qui est capable de le faire. Mais il nous dit qu'il vous sanctifie tout entier, que tout votre être, esprit. J'explique que l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est la tente. Mais l'âme, c'est quoi? C'est là où se trouve notre personnalité. Le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté, de notre intelligence. OK? Hello? Il dit esprit, allez avec moi. Esprit, âme et corps. L'homme extérieur, c'est qui? L'homme extérieur, c'est le corps, la tente. L'homme intérieur est formé de qui? Est formé de l'âme et de l'esprit. Adam ne pouvait pas donner les noms sans intelligence. Dieu a amené la création, toute la création à Adam, pour vérifier qu'Adam est à son image, non pas seulement dans la dimension de l'esprit, mais dans la dimension de quoi? De l'intelligence. Dieu a amené toute la création devant Adam pour que Adam donne de nom à chaque créature. Et lorsqu'Adam va donner girafe, tel nom, et vous savez que celui qui reçoit le nom, celui qui porte le nom, celui qui donne le nom, a le pouvoir sur celui qui porte le nom. C'est pourquoi l'homme a le pouvoir sur la création. Qui a donné à l'homme la création? C'est Dieu. Mais Dieu a donné à l'homme, a donné le nom à la création. Et quand il a donné le nom, c'est pourquoi enfants, faites attention aux parents. Lorsque vous naissez, vous n'avez pas porté votre propre nom en venant dans ce monde. C'est les parents qui vous ont donné un nom. Ils ont l'autorité et le pouvoir sur votre vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, enfants, obéis à qui? À vos parents. Il y a une promesse de quoi? De la prolongation de la vie. Faites attention. Même dans nos relations, femmes, celui qui a donné le nom à la femme, c'est l'homme. C'est l'ordre créationnel. Ce n'est pas un problème de la parité, de l'évolution, du féminisme. Non, non. Ne tombez pas dans les pieds de la parité. Vous portez le nom que l'homme vous a donné. Oui, bien entendu, il y a cette égalité-là en Christ. Il n'y a ni homme ni femme. Nous avons vu certaines femmes tomber dans ces pièges. Dans le livre de Galates où ils lisent, non, non, vous savez qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Tous nous sommes un en Christ. Par rapport à quoi? Mais il y a l'ordre créationnel de Dieu. Qui a donné le nom à la femme? C'est l'homme. L'homme a dit, oui, on l'appellera Ève, femme. Femme, Ève, porteuse de la vie. C'est elle qui va porter la vie. Comment l'homme savait que la femme va porter la vie? Comment? Prophétiquement parlant. Porteuse de la vie. L'homme donne à la femme le nom. Il lui donne même ce qu'elle fera. Amen. Qui porte les enfants? C'est qui? Est-ce que c'est l'homme? Aujourd'hui, les hommes essayent aujourd'hui d'adopter les enfants. Mais cet enfant qui est venu à la maison, vous savez, dans certaines nations, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire papa et maman. Non, non, appelez seulement Bruno et Madeleine. Oui, aujourd'hui, dans certaines nations. Il ne faut pas appeler papa et maman. Parce que tout à la maison, là, ils sont tous hommes. Et comme ils sont hommes, vous allez appeler papa qui et maman qui? Crazy. C'est-à-dire que les gens sont en train d'aller au-delà de ce que Dieu a créé. Amen. Que nous soyons fortifiés. Et l'esprit, c'est ce qui nous met en communion avec Dieu. Frères et sœurs, quoi que nous prions, quoi que nous fassions, quoi que ce soit, lorsque nous rentrons à la maison, cette tente, nous allons vivre des sentiments. Les sentiments varient selon les circonstances. Mais Dieu ne varie jamais. Amen. Oui, quand vous êtes triste, est-ce que Dieu aime moins parce que vous êtes triste? Lorsque vous manquez à manger, est-ce que Dieu aime moins parce que vous avez manqué à manger? Et lorsque vous êtes malade, est-ce que Dieu aime moins parce que vous êtes malade? Hein? Nous sommes sortis des tournants décisifs, mais regarde, aujourd'hui je suis malade. Mais écoutez bien, vous avez la provision de Maître Issu, de Jésus-Christ. Il est dit que par ce Maître Issu, je suis guéri. Vous allez seulement invoquer Jésus-Christ. Vous allez dire, Seigneur, merci, je viens des tournants décisifs, mais la chair est affaiblie. Mais qui a créé ce corps? Lorsque vous avez besoin d'une pièce de rechange de votre voiture, vous n'allez pas chercher à aller à Dubaï, quoi, qu'il y a toutes les pièces là-bas, tous les véhicules là-bas, aller chercher les pièces de Mercedes. Vous irez en Allemagne. Si vous voulez connaître là où on a fabriqué ces pièces, on vous dira, quoi qu'ils ont pris les modèles, ils ont pris la licence de fabriquer, mais ça vient d'Allemagne. Vous venez du ciel. Dites à quelqu'un, vous venez du ciel. Vous n'êtes pas d'en bas. Vous êtes d'en haut. Et comme vous êtes d'en haut, frères et sœurs, lorsque quelque chose ne marche pas ici sur la terre, vous allez demander votre origine. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, oui, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il dit, non, pas seulement ça. Il est dit, parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de qui? De son Fils. Celui qui est dans votre cœur, dans mon cœur à moi, c'est le même Esprit qui a fait que Jésus soit conçu dans le sein de Marie. Ah. Vous savez, frères et sœurs, il y a certaines choses que nous pensons que c'est seulement au ciel que nous verrons ces choses. Non, non, même ici sur la terre, nous voulons voir ces choses se manifester. Amen. Amen. Galates 4. Le verset 4 jusqu'au verset 7e. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tout ce qui était sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. L'adoption, un enfant qui est adopté juridiquement parlant a le même privilège que l'enfant légitime. Ok? C'est pourquoi nous sommes appelés héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Lisez avec moi le verset 6e. 6e, s'il vous plaît. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de qui? Lequel crie Abba. Ainsi tu n'es plus esclave, mais qui? Fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Wow. Et parce que vous êtes fils et fille, Dieu a envoyé dans votre cœur le même esprit qui habita Jésus. C'est pourquoi nous chantons toujours. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en moi, vit en moi. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en moi, vit en moi. Il me rend fort, vainqueur de la mort, plus qu'il vit dans mon cœur. Il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon cœur. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et vous-même, vous répondez. Oui, je le sais, vous êtes le saint, je suis le temple. Oui, je le sais, vous êtes le saint, je suis le temple. Oui, je le sais, vous êtes le saint, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de quoi? Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Wow! C'est-à-dire, vous êtes le temple. Ici, nous venons, c'est pourquoi nous commettons souvent des erreurs. Je viens à l'église. C'est une erreur, hein? Toi, l'église, tu vas à l'église. Toi, le temple, tu vas au temple. Ces lieux n'ont pas de valeur si vous n'êtes pas le temple du Saint-Esprit. Ces lieux ne peuvent pas avoir la valeur. Ce n'est pas le lieu qui nous sanctifie, c'est nous qui sanctifions le lieu. Alléluia. C'est nous qui venons qui sanctifions Dieu. Et non pas seulement ici, frères et sœurs, même au bureau, là où nous sommes. Vous êtes, je suis le temple du Saint. Et l'Esprit de Dieu qu'il a envoyé en moi, c'est l'Esprit de son Fils. Il est dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Un jour, j'étais à bord avec un monsieur qui était là. Quand il est entré, moi, j'étais au couloir. Il m'a dit, monsieur, s'il vous plaît, il est passé. Et je l'ai vu, mais il pouvait faire traverser ses mains jusqu'à moi. Ah, j'ai dit, mais Seigneur, garde-moi, s'il te plaît. Garde-moi. Et puis après, il y a le décollage, et puis les ceintures. Nous avons décollé. Et finalement, quelques minutes après, le pilote a annoncé seulement, non, nous sommes, nous allons passer une zone de turbulence, et vous savez, du côté de l'Asie, là-bas, prendre le vol qui va à Bangkok, aller à Melbourne, en Australie, c'est compliqué. Et j'ai vu le monsieur... Mais c'est pourquoi tu es calme? J'ai fait comme si je n'entends pas. Il était paniqué. Et il va commettre une erreur. Il va me poser une question. Monsieur, qui es-tu? Moi, j'ai dit, je suis un agent d'échange. Un agent d'échange? Oui, je travaille comme un agent d'échange. Dans quel département? Je travaille dans la sécurité éternelle. Je suis au département de la sécurité éternelle. Sécurité éternelle? Oui, j'ai l'assurance vie. Ah bon, tu as l'assurance vie? Ouais. Et je lui ai posé la question, monsieur. Et vous? Il a dit non, moi je suis. Bon, c'est une grande personnalité. Mais il a dit pourquoi vous n'êtes pas paniqué? J'ai dit non, moi je vous ai dit que je ne peux pas travailler au département de la sécurité éternelle si moi-même je n'ai pas cette vie éternelle. C'est pourquoi ici, même si ça barde, moi j'ai cette vie-là. Et vous, messieurs? Alors ça a commencé par là. Amen. L'assurance. Amen. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Partout où vous êtes frères. Il ne faut pas confesser toujours comme nous avons entendu hier. Non, non, ici, on ne veut pas de moi. Ici, il y a des gens qui veulent me tirer. Comme vous savez, aujourd'hui, le domaine des Africains, ils sont comme des crabes. Lorsque quelqu'un réussit, on veut les faire attirer pour qu'ils deviennent comme eux. On a dit, il y a quelqu'un qui a dit que les crabes, vous ne pouvez pas les couvrir. Laissez-les, parce que lorsque quelqu'un veut monter, les autres font quoi? Ils se cramponnent sur pour les ramener encore. Non, non, non, ne soyez pas ces crabes-là, parce que vous n'êtes pas crabes. Vous avez en vous l'Esprit de Dieu. Vous avez en vous la parole de Dieu. Et l'Esprit que Dieu a envoyé en nous, où il dit, soyez fortifiés dans votre âme intérieure, c'est par cet Esprit-là qui nous fortifie jour après jour, minute après minute, là où nous sommes. Et cet Esprit crie en nous, Abba, Papa. Abba veut dire quoi? Abba, ma source. Abba, mes origines. Seigneur, bien entendu, je suis dans cette tente, mais je viens d'en haut, Seigneur. Si les jours qui m'ont été destinés arrivent à leur terme, alors prends-moi. C'est pourquoi je te dis que cette maladie-là ne te conduira pas à la mort, frère, sœur. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu qui a inscrit les jours qui vous ont été destinés, si ces jours ne sont pas à leur terme, vous ne mourrez pas. Dites à quelqu'un, vous ne mourrez pas. Amen. Amen. Et comment ça peut venir? Il y a quelqu'un qui a dit, vous découvrez votre existence à la naissance. Mais vous découvrez votre vie lorsque vous recevez la vie Jésus-Christ. C'est alors que vous découvrez le but pour lequel vous avez été créé. Vous existez, mais vous ne vivez pas. Il est dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il n'est pas dit vous aurez la vie éternelle, mais vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Mais il nous dit que soyez fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Vous savez, dans le dernier texte que nous avons lu, le livre de Zacharie, c'est un livre qui a été écrit après exil. Lorsque prenez le livre de Zacharie, Agée et Malachie, placez ces livres-là entre Néhémie et Esdras. C'est là que vous allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'à la reconstruction, il y avait des choses, il y avait des Chambala, il y avait des Tobiza qui étaient là. Il y avait des choses qui ne marchaient pas. Les autres disaient, bon, qu'ils continuent à bâtir, nous allons voir s'ils vont réussir. Et ce travail a été reporté des années et des années. Il y a le roi même qui a annulé, il a dit, il a suspendu que cette construction ne s'efface plus. Mais la Bible nous dit que l'œil de Dieu était continuellement là. Et ils étaient découragés. Il y avait Zorobabel, il y avait Josué qui était là. Et comme ils construisaient, ils étaient assistés par les prophètes. Ils étaient assistés par Agée, ils étaient assistés par Zacharie, ils étaient assistés par Malachie. Et chacun d'eux pouvait parler pour une situation qui se passait parmi le peuple pour les encourager. Le tournant décisif vient nous encourager. Frères et sœurs, alors que nous sommes en train de rebâtir le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus a réintroduit le royaume. Mais c'est nous qui continuons ce qu'il a fait. Amen. Pour que le royaume de Dieu s'établisse. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Que ça se réalise dans ma vie, dans la vie de ma famille, comme au ciel. Et non pas comme les hommes le veulent, non pas comme les circonstances le veulent, mais comme toi tu le veux au ciel. Amen. Amen. Et lorsque nous prions, frères et sœurs, nous devons savoir. Et ils ont commencé à prier. Le travail est très important. Le travail, ce n'est pas la malédiction. Dieu a institué le travail avant le péché. Même s'ils construisaient, ils priaient, mais ils travaillaient. Vous savez, ce qui peut élever la nation, c'est l'éducation, la crainte de Dieu, l'éducation et le travail. Et la justice, c'est ce qui peut amener une nation dans une autre dimension. Que Dieu veut. C'est pourquoi, frères et sœurs, Zacharie va encourager. Il est dit, ne négligez pas le faible commencement. Ceux qui sont venus ici au commencement de l'arche, peut-être là ils étaient et quelque part, c'était à Colibri. Et nous avons mouvé, comme les Anglais disent, des Colibris jusqu'à Île Africa. Et Île Afrique, lorsque nous étions là, nous sommes venus avec le patriarche. On était là à Île Afrique, ce n'était pas chez nous. Et nous sommes venus ici, c'était des décombres, décombres, décombres. On est venus et lorsqu'on marchait, nous disions, non, là-bas. Je crois avoir dit à papa, là-bas, et là-bas, et là, c'est nous. Mais aujourd'hui, vous êtes où? Vous êtes là-bas? Vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, et pourquoi pas tous ces quartiers? Je disais, en dehors de l'office de route, parce que c'est l'État. Mais l'État aussi peut nous concéder l'office de route. Amen. Amen. Que le Seigneur vous accorde la grâce. Que vous soyez fortifiés par l'Esprit de Dieu. Dans l'homme intérieur. que votre être tout entier, que vous soyez fortifié. Et comment vous serez fortifié? Par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous lisez Galates 6, vous allez voir dans Galates 6, il y a quoi dans Galates 6? Il y a les armures et les armes. L'esprit et la parole, la prière et la parole, c'est les armes. Mais les autres, casque du salut, bouclier de la foi, ceinture de la justice, le saucisson qui annonce l'évangile de la paix, ce sont des armures. Mais comment vous pouvez défendre vos acquis, ce que vous êtes, défendre votre position pour qu'on ne vienne pas vous déloger de votre position? C'est par la parole de Dieu. Amen. Lorsque l'ennemi venait vers Jésus, Jésus-Christ n'a pas pleurniché. Il lui a dit, seulement l'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est la même méthode que l'ennemi utilise aujourd'hui. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Répondez à chaque sollicitation par la parole. Le Saint-Esprit ne puise en nous comme épée de l'Esprit pour attaquer, soit pour défendre que la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen. Lèvons-nous ensemble et prions.